temps, marquant de son ombre l'invisible, séparant ce que nous fûmes de ce que nous ne serons plus jamais. Chéris cette illusion fragile, aspirant.